du monde à encourir. D'un dépendant à en pourrir. Si tu me quittes, moi je ne veux pas souffrir. Tendre la corde autour du cou, tire de tes yeux revolver du vaudou. Pour m'embouter cette vive romance, me jette dans le vide de sens. Je connais chaque contour de ton visage, les dédales de ton corps, des tapons, chaque sillage. Mon ange, je te serre dans mes bras, je t'enroule pour ne pas que tu t'envoles. Je t'aime à en mourir, au bout du monde à en courir, l'indépendant à en mourir. Si tu me quittes, moi je ne veux pas souffrir. Je t'aime à en mourir, au bout du monde à en courir, l'indépendant à en mourir. Si tu me quittes, moi je ne veux pas souffrir. Tu es l'oiseau de ma passion, l'amour tous les jours tu me donnes ma passion. J'étais dans le noir jusqu'à que t'arrives dans ma vision. Désormais dans les nuages et ma raison. L'amour a un planisphère, il m'a guidé vers toi. Sur le chemin des cœurs perdus, je t'ai trouvé là. Mon âme à nu, au milieu des étoiles. Je suis de cœur, tu es dans mon cœur, même si tu t'éloignes. Je t'aime à en mourir, au bout du monde à en courir, l'indépendant à en mourir. Si tu me quittes, moi je ne veux pas souffrir. Je t'aime à en mourir, au bout du monde à en courir, l'indépendant à en mourir. Si tu me quittes, moi je ne veux pas souffrir. Je t'aime à en mourir, au bout du monde à en courir, l'indépendant à en mourir. Si tu me quittes, moi je ne veux pas souffrir. Je t'aime à en mourir, au bout du monde à en courir, d'indépendant à en mourir. Si tu me quittes, moi je ne veux pas souffrir.